C'est l'une des pages les plus noires de l'histoire contemporaine. Un génocide, reconnu comme tel par l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire, selon la définition du dictionnaire, la destruction systématique d'un groupe ethnique. 1 million de femmes, d'hommes, d'enfants massacrés. Le dernier génocide du XXe siècle, il y a seulement 7 ans, au Rwanda. C'est si près de nous et en même temps si loin. Car qui s'en souvient vraiment et qui en parle encore? D'ailleurs, même à l'époque, et sans doute pour évacuer à la fois l'horreur et la culpabilité, ce génocide a souvent été présenté dans le monde dit civilisé comme un massacre de plus entre tribus africaines rivales. Bref, une boucherie quasi banale, lointaine et exotique. Et c'est vrai que l'oubli nous arrange, nous Français. Car notre pays, pour des raisons qui n'ont toujours pas été vraiment éclaircies, a été étroitement mêlé à cette barbarie. C'est en particulier pour tenter de répondre à cette question que M. X m'a proposé cette semaine d'ouvrir ce douloureux dossier. En 1998, les parlementaires français, et ce fut une première, ont créé une mission d'information sur les opérations militaires menées par la France au Rwanda, présidée par l'ancien ministre de la Défense, Paul Quillès. Cette mission, après 9 mois de travail et de nombreuses auditions, a souligné, selon le journal Le Monde, les erreurs, les fautes et l'aveuglement de la France avant le génocide. Elle a aussi critiqué l'opacité de sa politique africaine, domaine réservé de l'Élysée. Toutefois, elle a conclu de façon assez paradoxale que Paris n'avait aucune responsabilité dans les massacres de 1994 qui ont fait entre 500 000 et 1 million de morts. Telle n'est pas l'opinion de M. X. Vous vous souvenez de l'événement qui a officiellement déclenché le génocide? Oui, l'attentat contre l'avion du président rwandais. Oui, le président Juvénal Habyarimana. Ce 6 avril 1994, il a participé à une importante réunion des chefs d'État de la région des Grands Lacs. Réunion qui s'est tenue en Tanzanie, le pays voisin. Au menu, il y avait l'application des accords conclus un an plus tôt à Arusha, des accords qui devaient mettre fin à la guerre qui ensanglantait le pays depuis 1990. Oui, c'est-à-dire, en gros, la guerre entre les Hutus et les Tutsis. Hein. Oui, oui, mais enfin, on y reviendra. Ce 6 avril, donc, un accord est donc acquis. Et Habyarimana s'engage à former un nouveau gouvernement qui accordera une juste place à chacune des factions rwandaises. Mmh. En fin de journée, le président monte dans son avion, un Falcon, offert par la France et piloté par un équipage militaire français. Ah bon, étonnant ça, hein? Oh, pas tant que ça. Habyarimana est considéré comme un ami de notre pays et nous n'avons rien à lui refuser. On en reparlera aussi. Donc il monte dans son avion dans lequel il a invité le président du Burundi qui lui aussi regagne son pays. Ouais, le Burundi... voisin du Rwanda. Oui, c'est en quelque sorte le jumeau du Rwanda. On y trouve aussi des Hutus et des Tutsis, avec tous les antagonismes que cela suppose. Enfin, passons. Il y a un peu plus de 20 heures, lorsque le Falcon arrive en vue de l'aérodrome de Kigali, la capitale rwandaise, et soudain l'appareil explose. On a parlé de tirs de missiles. Hein. Deux missiles solaires, sans doute guidés par infrarouge. C'est-à-dire, attirés par la chaleur des réacteurs. C'est ça. Le premier missile a raté sa cible, mais le deuxième fait mouche. Naturellement, il n'y a aucun survivant. Et on n'identifiera jamais le ou les auteurs de cet attentat. Vous allez dire, en commençant, que c'est cet attentat qui va déclencher officiellement le génocide. Pourquoi officiellement? Parce que c'est simplement l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Mais les explosifs, si je puis dire, étaient déjà en place et le génocide était programmé. Songez que les premiers massacres ont commencé tout juste 1 heure après l'attentat. Ça veut dire que les assassins étaient prêts et qu'ils n'attendaient que ce sinistre feu vert. Les assassins étaient donc aussi les auteurs de l'attentat. Ça paraît vraisemblable. Toutefois, il y a aussi d'autres hypothèses, et on les examinera plus tard, si vous voulez bien. Mais auparavant, pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. Un peu d'histoire, c'est ça, ouais. Vous savez que c'est mon péché mignon, alors permettez-moi d'y céder une fois de plus. Comme si je pouvais refuser. Rassurez-vous, je ne vais pas remonter trop loin. Le Rwanda et le Burundi sont d'abord des colonies allemandes. Mmh. Puis après la Grande Guerre, la Société des Nations confie ces pays à la Belgique. Et la Belgique qui possède déjà le Congo voisin. Hein. Oui, le très riche Congo qui est à l'origine la propriété personnelle du roi des Belges. Il faut le rappeler. À côté de l'immense Congo, le Rwanda et le Burundi sont des nains. Le Rwanda, c'est le pays des mille collines, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, un pays très peuplé, essentiellement d'agriculteurs, reconnus pour leur dynamisme et leur assiduité au travail. Combien d'habitants? Un peu plus de 7 millions. Et il y a donc des Hutus et des Tutsis. En principe, oui. En principe, qu'est-ce que ça signifie, ça? Un géographe a même posé la question, est-ce que les Tutsis existent? J'avoue, je comprends pas. Là. Je vous explique. Hutu et Tutsi ont peut-être de lointaines origines différentes. Les premiers venant du sud et les seconds du nord, mais depuis des siècles, ils vivent ensemble, ils parlent la même langue et pratiquent la même religion. En fait, la principale différence entre eux est sociale. Disons que les Tutsis sont plutôt des féodaux et que les Hutus sont généralement au bas de l'échelle sociale. Mais donc, il n'y a pas vraiment de différence ethnique. Bon, en tout cas, au fil des ans, elle s'est atténuée, mais c'est le colonisateur qui va la ressusciter et qui va l'amplifier. Pourquoi ? Ben, pour mieux assurer son pouvoir. C'est ainsi que les Belges, avec la collaboration toute puissante des missions catholiques, vont s'appuyer sur les Tutsis. C'est-à-dire sur les élites du pays ? Oui, les Tutsis sont présentés comme des guerriers, des seigneurs, tandis que les Hutus ne seraient que de vulgaires roturiers, des serfs, bref, des individus appartenant à une race inférieure. C'est dangereux de jouer là-dessus. Excessivement, oui, car les rivalités traditionnelles entre ces deux groupes ont été forcément exacerbé. On a fabriqué une compétition raciale ensemble. Et on a attisé la haine. Sachez par exemple que sur les cartes d'identité figurait la mention Hutu ou Tutsi. Une pratique qui se perpétuera après l'indépendance. Ouais. Et proportionnellement, enfin, quel est le rapport au Rwanda entre Tutsi et Hutu? Les Hutus sont largement majoritaires, plus de 80% de la population. J'ajoute que les colonisateurs belges ont essayé de justifier scientifiquement ce racisme institutionnel en s'inspirant par exemple des thèses de Gobineau sur l'inégalité des races. Mais dans les années 50, tout change. Pourquoi la montée du sentiment indépendantiste? Oui, naturellement, cette aspiration à l'indépendance naît d'abord dans les cercles les plus éduqués. Ouais, c'est-à-dire les Tutsis. Oui, les Tutsis qui remettent aussi en question l'hégémonie de l'Église catholique. Alors les Belges opèrent un brusque changement de cap et s'appuient désormais sur les Hutus. Mais ce renversement d'alliance a des effets pervers. Mais parce qu'il accroît les tensions. En 1959, on assiste aux premières émeutes raciales. Les Hutus, avec la bénédiction des autorités coloniales, s'en prennent violemment aux Tutsis, dont certains sont chassés vers l'Ouganda. Des milliers d'autres sont massacrés. Et à partir de ce moment, on assistera dans le pays, comme au Burundi voisin, à des brusques et régulières flambées de violence entre les deux communautés. Et quand l'indépendance arrive alors, que se passe-t-il? Bah, c'est un président Hutu qui est élu. Qui est normal quand même. Oui, une dizaine d'années plus tard, ce président est victime d'un coup d'État. Chassé par les Tutsis? Non, par un autre Hutu. Originaire des régions du Nord, le général Juvénal Habyarimana. Ouais, celui qui trouva la mort en 1994. Oui, les Hutus en effet ne forment pas un groupe homogène. Ceux du centre ou du sud sont plutôt démodérés. C'est-à-dire moins anti-Tutsi que ceux du Nord? C'est ça. Et d'ailleurs, lorsque commencera le génocide de 1994, certains de ces modérés seront les premières victimes des assassins. Alors, si je comprends bien, la question raciale va donc être au centre de l'histoire du Rwanda. Bah oui, un véritable poison. À l'intérieur, les Hutus au pouvoir se radicalisent et institutionnalisent le racisme anti-Tutsi. Tandis qu'à l'extérieur, les Tutsis réfugiés en Ouganda s'organisent militairement et font de fréquentes incursions au Rwanda. Et la Belgique, alors, l'ancienne puissance colonisatrice, quand même. Ben, elle se désengage progressivement, même si l'Église catholique belge, très favorable à la majorité Hutu, reste influente dans le pays. Mais allons vite. En octobre 1990, des Tutsis regroupés au sein du FPR, le Front Patriotique Rwandais, attaquent au nord du pays. Ils viennent d'Ouganda, oui. C'est ça? Ouais. Ils ont d'ailleurs participé militairement à la guerre civile qui a porté au pouvoir le nouveau président ougandais. Yoweri Museveni. En retour, celui-ci n'a pas ménagé ses encouragements et son aide à ses alliés qui entendent renverser le gouvernement rwandais. En 1990, c'est donc une véritable guerre qui commence. C'est cela. Et le FPR est un ennemi redoutable. Ses troupes sont bien formées, bien armées, et pour la première fois, la menace est vraiment sérieuse. Le président Hutu, Habyarimana, prend peur. Ouais. Que peut-il faire? Lorsque l'offensive du FPR est déclenchée, en octobre, je crois, Habyarimana est en voyage aux États-Unis, mais au lieu de rentrer directement chez lui, il fait un détour par l'Europe. Pour demander de l'aide? Bien entendu. Mais à qui peut-il s'adresser? Bah, d'abord à la Belgique, j'allais dire naturellement. Vous avez remarqué que lorsqu'un régime africain est en difficulté, il s'adresse toujours à l'ancien colonisateur. Ouais, parce qu'il existe souvent des accords militaires. C'est juste. En tout cas, le roi Baudouin prête une oreille favorable aux demandes du président Habyarimana. Et des parabelges s'envolent pour le Rwanda. Mais leur mission est limitée. Ils doivent évacuer les expatriés. C'est-à-dire les citoyens belges installés là-bas. Oui. Mais c'est souvent ça, un prétexte pour intervenir directement dans un conflit intérieur. Vous avez raison. Les interventions humanitaires ont parfois bon dos. Mais les Belges s'en tiennent à leur mission et leurs 400 militaires repartent dès qu'ils ont accompli leur objectif. Toutefois, Habyarimana s'est aussi adressé à la France. Pourquoi la France? En 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, un accord de coopération militaire a été très discrètement signé avec le Rwanda.

En 1992, le numéro 2 du parti de Juvénal Habyarimana prononce un discours terrifiant. Il engage ses partisans à exterminer les familles des Tutsis engagées au FPR. Il dit à peu près « Celui à qui vous n'aurez pas tranché la tête sera celui qui tranchera la vôtre ». Non, je reviens à ce que je disais, nous savons. Oui, je peux vous confier que la DGSE envoie des rapports très précis à Paris. D'autre part, la réalité de ces massacres de Tutsis est établie par une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme. Dans un rapport qui sera transmis à l'Élysée, on mentionne même le nom des responsables de ces escadrons de la mort. Mais c'est proche du président Habyarimana. Hein. Bien entendu, ouais. Et surtout ce rapport évoque de façon très lucide la probabilité d'un génocide. Un an plus tard, en 1993, une mission des Nations Unies émettra le même pronostic. Alors, comment expliquer ce qui paraît être quand même sérieusement comme l'aveuglement français? Oh, écoutez, je ne nie pas que Paris ait à plusieurs reprises semoncé les autorités rwandaises et rappelé à Habyarimana au respect des droits de l'homme. Ça n'a servi à rien. Le président rwandais promettait, mais ne changeait rien. Alors aveuglement, dites-vous, bah, oui. Mais il faut d'abord comprendre que la France était trop compromise. Impossible de reculer, c'est ça? La fuite en avant, oui. Abandonner le Rwanda, ça aurait été reconnaître que depuis 1990, notre pays faisait fausse route là-bas. Et puis, la thèse officielle, je le rappelle, c'était celle de l'agression extérieure, une agression anglo-saxonne. Certains ont même parlé du complexe de Fashoda. Ah, Fashoda, que la mission Marchand avait dû évacuer après un ultimatum britannique. Oui, c'était en 1898, dans la région du Haut-Nil. Ouais, c'était pas tout neuf. Hein. Ouais. Alors, la France voulait prendre sa revanche sur Fashoda? Non, n'exagérons pas, mais enfin, c'est vrai que l'Élysée n'entendait pas laisser le champ libre aux anglophones dans un pays traditionnellement francophone. Plus sérieusement, peut-être, le président Mitterrand ne désespérait pas d'obtenir un accord politique entre les belligérants. Ouais, sous les auspices de la France. Certainement. Alors même que la France était si étroitement engagée aux côtés des Hutus? Tout à fait. Mais Mitterrand pensait justement qu'il était le mieux placé pour faire pression sur Habyarimana et l'amener à la table de négociation. Ouais. Mais négociation, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire aboutir à une représentation plus juste des ethnies au sein du gouvernement. Et la paix, bien sûr. Et donc une sorte de partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi. Oui, le personnage principal demeurant le président Habyarimana, représentant de l'ethnie majoritaire. Mais est-ce que cette négociation souhaitée par Mitterrand a réellement eu lieu? Elle s'engage en janvier 93 en Tanzanie, à Arusha, exactement. Un accord est signé entre le FPR et le gouvernement de Kigali. Sous la pression de la France? Naturellement. Mais Habyarimana le remet presque aussitôt en cause. Mais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas partager le pouvoir avec des Tutsis. Et il a l'impression que cet accord lui a été imposé et qu'il a été placé devant le fait accompli. Ouais, il n'a donc pas l'impression de l'appliquer. Non. Et on en a rapidement la preuve puisque les massacres de Tutsis recommencent aussitôt. La conséquence immédiate, c'est que le FPR, depuis ses bases ougandaises, lance une offensive très musclée dans le nord du pays. Le prétexte est tout trouvé. Il s'agit de venir au secours des populations menacées par les milices hutus. Ouais, et la guerre recommence. Et à un instant, on pense même que les troupes du FPR vont s'emparer de Kigali. C'est dire si la situation est sérieuse. Alors, comme d'habitude, Habyarimana fait appel à la France. Et la France qui répond, présente. C'est évident. Et Mitterrand envoie 150 hommes du 21e régiment d'infanterie de marine qui étaient stationnés en Centrafrique. Mais là, ils interviennent directement? Non, ils doivent agir en soutien arrière de l'armée rwandaise. Bon, on a vu comment ça se passait sur le terrain. Est-ce que ça suffit à juguler l'offensive des Tutsis du FPR? Non, la situation devient de plus en plus périlleuse pour Habyarimana. D'autant que le FPR est maintenant soutenu par 5 bataillons ougandais. Ah ben, là on peut vraiment parler d'agression extérieure. Vous avez raison. Ouais. Et ça détermine l'Élysée à envoyer de nouvelles troupes au Rwanda. Au total, il y a maintenant 700 militaires français là-bas. Et au ministère de la Défense, on commence à penser que ça fait beaucoup. D'accord, mais au fond, c'est Mitterrand qui commande, non? Mitterrand qui, lui aussi, finit par avoir des doutes sur notre engagement au Rwanda. Ah, peut-être un peu tard d'ailleurs. Mais que veut-il faire là, se désengager? Impossible. Pas tout de suite, en tout cas, parce qu'on peut craindre des massacres de Hutus par les Tutsis, non. Le président pense à l'ONU, puisque désormais l'Ouganda est entré officiellement dans le jeu. Et effectivement, le Conseil de sécurité adopte une résolution prévoyant le déploiement d'une force de contrôle. Une force qui remplacerait les troupes françaises. C'est cela. Et certains militaires français présents sur place pourraient, dans ces conditions, porter le casque bleu des Nations Unies. Mais sur ces entrefaites à Paris, une nouvelle cohabitation commence. Oui, avec Édouard Balladur comme Premier ministre. Et François Léotard comme ministre de la Défense. Ça change quelque chose dans la gestion de la crise rwandaise? Balladur et Léotard, à l'inverse du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, sont partisans de renforcer encore notre contingent au Rwanda. Pourquoi? Bah parce que, comme trop souvent, l'ONU tergiverse et tarde à envoyer des casques bleus. Et Mitterrand, lui, il est de quel avis, alors? Bah, il partage plutôt l'avis de Juppé. Il trouve qu'on est trop engagé. Ah, mais c'est quand même lui le principal responsable de cet état de choses. Certainement, toutefois, on n'aura pas besoin d'envoyer de nouvelles troupes parce que, soudain, la tension se décroît. Le FPR desserre son étreinte et les belligérants retournent à la table de négociation, toujours à Arusha. Un nouvel accord est conclu? Oui, en août 93. Cet accord prévoit la transition démocratique, la fusion des deux armées belligérantes au sein d'une armée nationale et l'envoi sur place de forces de l'ONU. Ce sera la MINUAR, mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, et elle comprendra 2500 hommes. Mmh. Et les troupes françaises Elles quitteront le Rwanda dès que les troupes de l'ONU débarqueront. Seuls resteront officiellement quelques conseillers militaires. Mmh. Les soldats français ne seront donc pas intégrés dans les casques bleus? Non, Mitterrand ne le veut pas. Mais il faut nuancer. Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Bah, le lobby militaire, ça existe aussi. Et certains soldats français n'avaient nulle envie de quitter le Rwanda. J'y trouvais très bien. Et la rumeur veut que certains d'entre eux sont demeurés là-bas. Discrètement, bien sûr, et en civil. Paris ne pouvait pas l'ignorer. Certains. De même qu'il est difficile d'ignorer que, malgré l'accord d'Arusha, des armes continuent à parvenir au tout de l'armée rwandaise et des milices. Donc, clandestinement? Naturellement. Et ce sont malheureusement souvent des Français qui sont à l'origine de ces livraisons. Alors, est-ce que c'est avec l'aval des autorités françaises? Bah, honnêtement, je ne le sais pas. Mais on peut au moins considérer que Paris a fermé les yeux. Nous ne sommes donc pas aussi désengagés qu'on l'affirme à Paris. Je pense, oui. Et à la fin de l'année 93, on note un peu partout dans le pays que se sont constitués des groupes d'autodéfense Hutu qui reçoivent des armes neuves, des machettes, des fusils d'assaut, des grenades. Enfin, d'autre part, une radio, la tristement célèbre radio des Mille Collines, ne cesse de lancer sur ses ondes des appels à la haine contre les Tutsis et à l'extermination de l'ennemi intérieur. On peut donc penser que le calme qui a suivi les accords d'Arusha est très précaire. C'est ce que pensent tous les observateurs sérieux. Car les extrémistes Hutu et tous ces miliciens qui ont souvent été formés par la France, il faut le rappeler, n'acceptent pas les accords d'Arusha. Ils en veulent au président Habyarimana qui les a signés, lui. Est-ce que ça explique l'attentat dont il va être victime? C'est l'une des hypothèses les plus sérieuses, oui. Ces Hutus considèrent en effet qu'à Arusha, le président rwandais a capitulé devant les Tutsis. Donc un traître? Oui, mais l'affaire est compliquée. Car en sous-main, bien d'autres personnages ou services pouvaient envisager favorablement la liquidation de Habyarimana. Liquidation qui était le point de départ d'un des plus grands génocides du XXe siècle. La semaine prochaine, je vous propose d'écouter la suite de cet entretien qui nous concerne, nous, Français, au premier chef. Jean-Christophe Mitterrand vient de publier un livre « Mémoire meurtrie », un ouvrage d'écorché vif, où le fils de l'ancien président, récemment mis en cause dans une affaire de vandame, mais toujours présumé innocent, se défend pied à pied. J'y ai trouvé ce passage où il expose la pensée de son père à propos de l'affaire rwandaise. Je le cite. « Je m'inquiétais néanmoins lorsqu'en février 1991, mon père décida de gonfler nos effectifs dans le cadre de l'opération Norrois. J'avais le sentiment que nous nous engagions beaucoup trop et je lui demandais pourquoi nous en faisions autant. Il me répondit très net. La situation au Rwanda est plus que tendue, explosive. L'agression du FPR déstabilise les rapports politiques et attise la fracture ethnique. Il nous faut gagner du temps pour obliger les partis à s'entendre, car dans cette région des Grands Lacs, les massacres sont devenus la norme. Dans ce type de conflit, ne cherche pas les bons et les méchants, il n'existe que des tueurs potentiels. » Il avait le pressentiment que le dérapage était possible, mais il pensait que Habyarimana, malgré sa faiblesse, restait le pivot autour duquel une solution pouvait être trouvée. L'ouvrage de Jean-Christophe Mitterrand est publié aux éditions Plomb.